Le requin, lui, quand il chasse, ses mâchoires sont en sang. Mais maquis, lui, tu s'en traces, car il porte des gants blancs. La moronne dans la brume, maquis traîne dans son rond. Réverbère qui s'allume, qui s'abat et qui claque, le sang gicle, les os craquent, des corps tombent dans les flaques. C'est un homme qui s'écroule. Prenez garde, fille naïve, maquis rôde dans les balles, qui massacre, brûle et pille.